Document 3, page 50. C'est bientôt les vacances pour toi, Malika. Tu pars la semaine prochaine ? Oui, mais je ne sais vraiment pas où aller. Moi, mes dernières vacances, je les ai passées tranquillement chez moi avec ma femme. On s'est bien reposé. Ah non, moi je veux absolument partir. J'ai besoin de changer d'air. Va en Grèce. Une semaine au soleil pour bronzer et se baigner. Oh non, merci. J'ai déjà fait ça l'été dernier. Je me suis ennuyée pendant une semaine et à la fin, j'étais complètement déprimée de ne rien faire. Alors, si tu veux des vacances actives, je te propose une excursion. Où ça ? En France, plus exactement dans le sud-ouest. Pas très exotique. Oui, mais dynamique. Tu visites la région, tu t'arrêtes dans toutes les fermes et toutes les caves, pour manger et boire, évidemment. C'est une activité qui va me faire prendre quelques kilos. Pas du tout, tu feras ça à bicyclette. 60 km par jour. Tu pourras difficilement grossir. Pourquoi pas, finalement ? Mais qui est-ce qui organise ça ? C'est Antoine, mon petit frère. Tu verras, il est très sympa. Et célibataire aussi. Je cherche une formule de vacances, Michel. Pas un mari. On ne sait jamais.